Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Crossroad Blues par l'immense, le talentueux Robert Johnson, né en 1911 et mort en 1938. Ce Crossroads, il l'a enregistré fin 1936 et ça a dû paraître en 1937, vous vous rendez compte. Et on connaît surtout la version de Cream en 1968. Eh oui, on peut dire que Robert Johnson a été redécouvert, non pas par les Américains, mais par les Anglais, dans les années 60, grâce au British Blues. Cream, c'est bien sûr Eric Clapton à la guitare. Ce guitariste a influencé tous les jeunes gratteux du monde entier, et bien sûr en France. Alors je vais vous passer quelques groupes français influencé soit par Clapton, soit par Robert Johnson, souvent par les deux, puisque c'est Crossroads. On commence avec Ganafoul, un trio de Lyon, de Gisors exactement, qui en 1998 ont enregistré en public à Lyon. Ils ont eu leur heure de gloire à la fin des années 70, mais là, lors d'une reformation, quelques concerts en 98 et un CD est paru en 1999 avec Jack Bon à la guitare et au chant. Ganafoul Live Crossroads. I went down to the class, Ganafool, en 1999. Je vous propose maintenant trois extraits. On commence avec un extrait d'un artiste blues, mais aussi très country, Urbain Lambert, en 2003. Urbain Lambert en 2003. Maintenant, nous allons du côté de la Normandie avec un groupe qui n'existe plus, Caps and Hats. Mais le guitariste Laurent Choubrac est toujours très actif avec de nombreux projets et divers groupes. Crossroads, Caps and Hats en 2009. Lord above have mercy, save poor more hidden please. I went down to the crossroads, tried to flog it right. I went down to the crossroads, tried to flog it right. Nobody seemed to know me, everybody passed me by. Et le troisième extrait est consacré à Philippe Ménard en 2005 sur l'album I Want an SC Cobra, une version live de Crossroads. One Man Band, hein, je le précise, tout ce que vous allez entendre, il est tout seul sur scène, c'est pas croyable, il faut le voir pour le croire. And I fell down on my knee. Well, I went up to the crossroad and I fell down on my knee. Oh, Lord, Lord, up above you, please save me. Well, I went down to the crossroad and I tried to figure out. I went down to the crossroad and I tried to flag a ride. But nobody seems to know me, everybody does me bad. Well, I'm going down the road still, got my rider by my side. Well, you could see the paradise, baby, down at the riverside, yeah. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Chartron, mais il a publié un magnifique album en 2008 chez Dixie Frog intitulé Blues Bleu. Et sur ce disque, le seul hein, à ma connaissance, il y a des titres en anglais, des titres en français. Et les titres en français sont pour la plupart non pas des adaptations, mais un mix d'inspiration de l'original anglais avec sa propre composition en français, et ça donne pour Crossroads La croisée des chemins, Jean Chartron en 2008. Je sais le chercher à la croisée des chemins. Je n'ai pas cessé de chercher à la croisée des chemins. Pour mieux comprendre la vie des miens. Je n'ai pas cessé de chercher à la croisée des chemins. essayais de trouver encore dans les livres ou bien ailleurs. Oh mon frère, dans d'autres bras, un autre chemin. C'est de chercher à la croisée des chemins, dans les yeux, les regards et les paroles des miens. Mais le temps est passé, je n'ai pas su l'arrêter. À la croisée des chemins, celui des hommes ou bien celui des dieux. Et maintenant je sais que la paix ne s'éteint jamais. Je n'ai pas cessé de chercher à la croisée des chemins. Je n'ai pas cessé de chercher à la croisée des chemins. Maintenant je sais que la paix ne s'éteint jamais. C'était Jean Chartron. Alors là, attention, c'est une réunion au sommet. The Drink House Preachers. Qu'est-ce que c'est que ce groupe ? Eh bien, c'est un trio de très grands talents, de très grands guitaristes et chanteurs. Pat Boudolamo, Litfoot Rivet et Neil Black. Et sur certains morceaux, en invité Fred Chapelier, excusez du peu. Hein, cet album s'appelle « The Cool, The Quiet and The Angry ». Il est paru en 2010 chez Dixie Frog, qui a encore un très très bon label pour les groupes français de talent. Crossroads, Drink House Preachers. I went to the crossroads, I fell down on my knees. I went to the crossroads, I fell down on my knees. Ask the Lord for mercy, take poor part if you please. Been down to the crossroads, touched with the flag and ride. I've been down to the crossroads, to flag it right. Nobody seemed to know me, everybody seemed to pass me by. I'm going down to Rosedale, take my razor by my side. We can still buy a house, baby, by the riverside. Thank you. run, you can't run. Tell my friend Boy Willie Brown. You can't run, you can't run. Tell my friend Boy Willie Brown. Well, I'm standing at a crossroads. Believe I'm sinking down. Et on va terminer ce Blues Covers consacré à Crossroads de Robert Johnson avec un autre très très grand guitariste français, Mauro Ceri. Il a enregistré un album public au Cristal en 2002. Le Cristal, c'était un bar parisien où il y avait des concerts fort sympathiques à cette époque-là qui commence à être lointaine maintenant. Mauro Ceri Trio, c'est donc Mauro Ceri guitare et chant, Johnny Ferracci à la basse et Kiko Mattioli à la batterie. Bye bye et à la prochaine. I believe I'm singing down. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.